la Radiodiffusion Télévision Française et la Société des Comédiens Français vous présentent deux pièces en un acte. La conversion d'Alceste de Georges Courteline et La voix humaine de M. Jean Cocteau, sous la direction artistique de Jacques Régnier. Voici La conversion d'Alceste de Georges Courteline avec la distribution suivante. Messieurs Aimé Clarion, Alceste, Jacques Servière, Philinte, Jean-Pierre Oronte, Teddy Bilis, Monsieur Loyal et Mademoiselle Moni Dalmès, Célimène. La pièce se passe chez Alceste, 6 mois environ après le misanthrope de Molière. Les personnages Alceste, Philinte, Oronte et Célimène portent les mêmes costumes que dans le misanthrope. Seul Alceste a changé la couleur de ses rubans. Philinte, je vous sais bon gré de vos avis. Je les ai médités longuement, puis suivis. Et cet aveu peut-être a lieu de vous surprendre. Je conviens que la vie est à qui sait la prendre. Oui, c'est mal rendre hommage à la divinité que fixer sur son œuvre un œil trop irrité. Au pardon qui sourit, la sagesse commence. Il n'est pas d'équité sans un peu de clémence. Tel se casse les reins en tombant dans l'excès qui fait du monde entier l'objet d'un seul procès. Aussi, sans m'aveugler aux défauts qu'on lui treuve, je prétends désormais d'une vision neuve envisager ses torts, mieux ses petits travers, et sortir de la peau de l'homme au ruban vert. Assez trop longtemps ma folle turbulence aux ailes des moulins butant ses fers de lance vint faire la culbute en l'herbe des fossés, le nez en marmelade et les jupons troussés. Ce n'est pas tout d'ailleurs. Ma loyauté robuste en ses emportements ne fut pas toujours juste. J'en garde leur mort et suis mal satisfait d'avoir gourmé des gens qui ne m'avaient rien fait. C'est ainsi que jadis, j'en conviens, et sans honte, j'eus tort, Philinte. Tort. Grand tort, avec Oronte. Il est irréprochable à ce que j'en connais. Il malmène la muse. Il fait mal les sonner, soit. Mais me force-t-il à les signer? En somme, si les mauvais poètes, il est fort honnête homme. Donc, quel besoin pour moi, quelle nécessité de lui cracher son fait avec brutalité? La révolte est choquante ou le dédain s'impose. Et c'est le fait d'un fou que s'emporter sans cause. J'ai peine à retrouver l'Alceste d'autrefois, dont celui qui pourtant me parle par sa voix. Un cœur pacifié qu'on y soupçonnait guère, bat-il sous le harnois du vieil homme de guerre? Ou votre esprit chagrin veut-il plus simplement se donner ma surprise en divertissement? Qu'un langage aussi neuf me causerait de joie si... Ma sincérité paye en bonne monnaie, Philinte. Et c'est l'excès de mon seul repentir que vous trahit ma bouche inhabile à mentir. Oui, mon esprit baigné de nouvelles lumières se rouvre, grâce à vous, à sa candeur première. Je renais au bonheur d'être indulgent et bon. Et le calme en mon cœur rentre avec le pardon. Plus d'une fois, pourtant, bafoué, outragé, votre prudence, ami, fut mal encouragée. De vos sages conseils, je m'ai connu le prix. Je m'excuse humblement de n'avoir pas compris. J'étais aveugle et sourd, et c'est là ma défense. Alceste, un mot de plus me serait une offense. Brisons sur ce sujet. Qui fut dur pour autrui doit à sa probité de l'être aussi pour lui. Ma conscience et moi ferions meilleur ménage si je n'avais joué d'un si sot personnage. Et si j'eusse rossé le pauvre genre humain de moins de coups baillés au hasard de la main. À mes yeux dessillés, chaque jour se révèle de quelque ancienne erreur, quelque marque nouvelle. En un second procès, je m'étais engagé. Eh bien, depuis hier, le procès est jugé. Et je dois confesser que, contre mon attente, ma cause a... triomphé ? De manière éclatante. Fort bien. Ainsi riposte avec grandeur la loi, naguère injustement prise au collet par moi. Et Célimène encore, doux et tendre, et jeune être, que je restais longtemps malpropre à la connaître, et que l'égarement de mes transports jaloux fut dur à ses 20 ans, traqué comme des loups. De longs jours, de longs mois, marquant d'effronterie l'innocent enjouement de son espièglerie, hargneux à sa jeunesse, aveugle à sa pudeur, de mon lâche soupçon, j'insultais sa candeur. Avouez qu'elle eût pu, de quelques représailles, avec quelque raison, gâter nos épousailles. Il n'en fut rien pourtant. Depuis que sur nos mains l'amour serra les nœuds du plus doux des humains, Célimène, à mes yeux, souple et conciliante, reflet à s'y tromper des grâces déliantes, égayant ma maison, rassurant mon bonheur, en toute occasion fait paraître un grand cœur. Oui, Philinte, au butor qu'il avait mal jugé, elle sourit, pardonne et pense être vengée. De sa seule vertu triomphant noblement et laissant au remords le soin du châtiment. Pff, qu'il m'est cruel. Allons, la vie est ainsi faite que chacun tranche un peu de son petit prophète, bloqué comme en les murs d'une étroite prison dont le besoin d'avoir seul est toujours raison. Dieu l'ordonne et le veut que sa loi s'accomplisse. Mais doit-on pour cela se couvrir d'un cilice et porter comme un deuil le tort d'avoir bronché où tant de fois déjà d'autres ont trébuché? Morbleu non! Le scrupule où votre humeur se bute ne vaut pas, croyez-moi, l'honneur qu'on le discute. Condamnez donc vos torts d'un esprit plus rassi et pour d'autres objets réservez vos soucis. L'erreur où l'on vous vit de l'humaine nature est l'antique, commune et banale aventure. Des leçons de la vie éternelle apprenties, le juste n'est jamais qu'un pécheur converti. Alceste le regarde longuement sans rien dire. Vous ne répondez point ? Que répondre ? J'écoute. Et rends grâces au ciel qui vous mit sur ma route. Que veut Flipote ? Auront est là. Comment ? Il est votre humble serviteur et votre plat valet. Ne prenez pas à mal la façon dont j'en use. Ma bonne intention me doit servir d'excuse. Touchez là, s'il vous plaît. Je vous vois, Dieu merci, bien portant. Il est vrai. Je m'en loue. En forci. Peut-être. En graissé. Mais... J'admire en vous... De grâce. Ce soupçon d'embonpoint qui n'exclut point la grâce. Monsieur... Ce regard vif. Laissons-la... C'est un frais. Oh. Et l'air de jeunesse est pendu sur vos traits. Vous me flattez. Touchez là, encore, je vous prie. Flattez. Moi, serviteur à la flagornerie, je dis ce que je pense et paye argent comptant. C'est fort bien. Devant Dieu, permettez, qui m'entend, j'en conviens, me voit, oui, lit dans mon cœur, sans doute, comme en un livre ouvert. Bien entendu. M'écoute, donc me juge. Il est vrai. Je n'ai jamais menti. Or, vous avez bon pied. Monsieur. Bon appétit. Je reconnais. Bon œil. Souffrez. Bon visage. Mon cœur de tout ceci tire un heureux présage. Oui, j'exulte de joie à vous voir bien portant. J'y prends plaisir. Tant mieux. Vous m'envoyez content. Bien obligé. Charmé. Merci. Ravi, tout aise. Philinte, au nom du ciel, obtenez qu'il se taise. Enchanté. Voulons-nous nous asseoir? Grand merci. Or ça, mais je vous trouve à souhait, vous aussi. Moi? Gros, gras, le teint frais, l'œil vif. Il recommence. Au poids de l'or, Philinte, achetez son silence. Vous ne me croyez pas? Je veux bien, si je mens, que la foudre... Il suffit, laissez les compliments et veuillez sur le but où tend votre visite. Je m'explique. Ah. Ah. Messieurs, l'orgueil, ce parasite, fils du sot amour-propre et de la vanité, conseille mal les gens dont il est écouté. Car le fiel, son cousin, la haine, sa cousine, complique de poison les venins qu'il cuisine. Ennemi des vains mots, des discours superflus, des exordes lassants qui n'en finissent plus, et des péroraisons que leur pédanterie allonge de Paris jusqu'à la queue en brie. Je viens à vous tout fend, et je vous dis... Voilà, pour la troisième fois, s'il vous plaît, touchez-la. Touchez! Touchons. Je touche, sans rancune. Sans arrière-pensée et sans aigreur aucune. Vrai? Les griefs d'hier, oh. L'histoire du sommet, et les sévérités prises sous mon bonnet, et ma mauvaise foi de parti pris butée à la sotte chanson que je vous ai chantée. Point, elle est excellente, et j'en ai beaucoup ri. L'âme simple du peuple y parle au roi Henri. Oh, reprenez Paris. J'aime mieux mamie. Quant au sonnet, c'était une simple infamie dont les tercés farcheux et l'absurde huitain fleuraient à 15 pas leur petit trissotin. Ma verve qui vous doit de s'être corrigé, reste donc, croyez-le, votre bien obligé. Je fais d'ailleurs de vous un cas tel que j'entends vous en donner ici des gages éclatants. Alceste veut parler, mais déjà Oronte a tiré un papier de sa poche. Ce deuxième sonnet, par le fond, par la forme, à votre poétique et de tout point conforme, et vos justes conseils, dont j'ai su profiter, m'en ont dicté les vers faits pour vous contenter. comme il la traite aux yeux d'une mienne parente, qui voulut bien pour moi se montrer tolérante, j'ai cru de mon devoir d'y semer à foison l'hyperbole, l'image et la comparaison. Sonnet, composé à la gloire de deux jeunes yeux amoureux dans lequel le poète, avide de louanger comme il faut, de célébrer comme il convient leur feu, leur mouvement, leur éclat, leur lumière, cherche vainement, même dans le domaine du chimérique et de l'irréel, une image digne de leur être opposée. Ce ne sont pas des yeux, ce sont plutôt des dieux, ayant dessus les rois la puissance absolue. Des dieux, des cieux plutôt, par leur couleur de nu et leur mouvement prompt comme celui des cieux. Des cieux, non, de soleil, nous offusquant la vue de leurs rayons brillants clairement radieux. Soleil, non, mais éclairs de puissance inconnue, des foudres de l'amour, signes présagieux. Car s'ils étaient des dieux, feraient-ils tant de mal? Si des cieux, ils auraient leur mouvement égal. Des soleils, ne se peut, le soleil est unique. Des éclairs alors, non, car ses yeux sont trop clairs. Toutefois, je les nomme afin que tout s'explique, des yeux, des cieux, des dieux, des soleils, des éclairs. C'est grand comme la mer. Et bête comme une oie. Mais de ce malheureux, pourquoi gâter la joie? Qu'il soit grotesque en paix. Eh bien, sur mon sonnet. Franchement, il est bon à mettre au cabinet de lecture. Non! Si! Cela vous plaît à dire. Sans doute, il a charmé tous ceux qui l'ont pu dire. Mais je suis du parti de tous ceux qui l'ont lu. Et le ciel m'est témoin que le sonnet m'a plu. Oh, la langue en est hardie et franche et décidée. L'idée, avec bonheur, il succède à l'idée. Il est plein d'un aimable et tendre sentiment. J'en aime fort la fin. Et le commencement. Puis, la rime au bon sens s'adapte et s'associe. C'est une qualité qu'il faut qu'on apprécie. Il est assurément meilleur que le premier. Par l'agrément surtout de son ton familier. Et ce présagieux. Ah, permettez de grâce que pour présagieux, monsieur, on vous embrasse. Je suivrai, s'il vous plaît, l'exemple que voici et pour présagieux, je vous embrasse aussi. Ah le plaisir de briller propre aux gens du vulgaire présente des douceurs qui ne me tentent guère. Mais quoi? L'auteur toujours aime avoir imprimé et livré au grand jour les vers qu'il a rimés. Vous estimez les miens? De façon singulière. Le soin vous revient donc de les mettre en lumière. En lumière? Oui. Comment? Si j'en crois les ondits, au Mercure galant, vous avez du crédit. Moi? Vous? Aucun? Si. Non. Visez qui le rédige prétend pourtant. Aucun! Si vous... Aucun, vous dis! Si vous vouliez... Aucun! Monsieur, deux ou trois mots lancés avec chaleur et glissés à propos. Et voici qu'aussitôt ma jeune renommée voit s'ouvrir devant elle une porte fermée. Le Mercure galant dont je vous dois l'accès s'offre comme un tremplin à mes premiers essais et la gloire... Monsieur, trêve à ton insistance. Mon intervention n'est point de circonstance. Au Mercure galant, je suis fort peu prisé. Et d'absurdes ondits vous ont mal avisé. Veuillez donc m'épargner d'inutiles harangues. Peste. Je vous vois apte à parler plusieurs langues. Vous êtes habile homme et pratiquez fort bien l'art de risquer des mots qui n'engagent à rien. Moi? Votre bonne grâce étonne par son zèle, mais c'est perdre le temps que d'attendre après elle. Et sur votre assistance, on peut toujours compter à la condition de n'en point profiter. Hein? Ces manières d'agir, tout à fait mal reçues des gens qui n'aiment pas les cœurs à deux issues, ne sont point de mon goût. Je vous le dis tout net. Voilà qui vous renseigne. Et quant à mon sonnet, dû mon opinion ne pas être la vôtre, il est mauvais ou bon, mais étant l'un ou l'autre, pourquoi le renier si vous l'avez goûté? Pourquoi, s'il vous déplaît, l'avez-vous tant vanté? Rodrigue, dans le Cid, dit « Ôte-moi d'un doute ». Voilà bien d'une attaque où je ne comprends goutte. Monsieur! Monsieur! Monsieur, il faut prendre parti. Ou vous mentez. Je mens! Ou vous avez menti. Oh, honte! Ah, mais pardon, ceci n'est plus de mise. Alceste! Vous passez la limite permise. J'ai menti. Calmez-vous! Je... Calmez-vous aussi! Je vais vous mettre hors des deux mains que voici. Oh! Quoi? Le plat rimeur d'un... un stupide poème. Si stupide soit-il, il l'est moins que vous-même. Hélas ! Dois-je souffrir que cet âne batté ? Parbleu, mon cas est neuf et vaut d'être compté. On me lit un premier sommet. Je le condamne. Le poète entre en rage et je suis traité d'âne. Il m'en lit un second. J'y donne mon bravo. L'auteur entre en fureur, je suis âne à nouveau. Donc, âne si je blâme, âne encore si j'encense. Je voudrais pourtant bien qu'on me donne la licence de trouver qu'un sonnet est bon ou ne l'est pas, sans être anifié dans chacun des deux cas. Mes vers sont bons, au point que si je ne me leurre, vous les avez trouvés merveilleux tout à l'heure. J'ai tort. Ils sont d'un bête à couper par morceaux. Jetez donc à deux mains des perles aux pourceaux. Peste soit des grimauds et des vers imbéciles. L'injure porte en soi des armes trop faciles. Je vous laisse le pas. J'allais vous en presser. Tout en gardant pour moi ma façon de penser, il suffit. Je m'entends. Bonjour. Mes courtoisies tirent la révérence aux basses jalousies. Mangez, buvez, dormez. Et puissent mes lauriers ne pas être pour vous de trop durs oreillers. Il sort. Voilà, je vous l'avoue, une brute plaisante. Donc, il ne suffit pas que, lâche complaisante, mon ardeur à bien faire en sa servilité ait imposé silence à ma sincérité. Qu'un quart d'heure durant, souffrant, mort et martyr, je me sois jusqu'au sang, mordu pour ne pas rire, piétinant de sang-froid, et le sachant très bien, ma pauvre bonne foi qui n'y comprenait rien, il faut encore que j'aide à tuer son libraire, ce maraud vaniteux qui chante au lieu de braire. Un pied plat, sévère, me vient assassiner. Je ne condamne pas, donc je dois patronner. Ah, oh, mais non. Aristote. Ah, non. En un chapitre. Et je me repens. Décès. Cuistre. Pénible. En un chapitre de. Je mens. De, j'ai menti. Décès. Je me repens de m'être repenti. Voyons, puisqu'Aristote en ses ésotéries. Je me ris d'Aristote et de ses rhétoriques. C'est aller loin sans doute et véritablement. Votre sagesse encore en est au bégaiement. Je la vois pour ma part assez mal renseignée, jetant tout à la fois le manche et la cognée, parce qu'un fat risible et de soi-même épris nous a gratifié d'un spectacle sans prix. Chez Molière, après tout, quoi qu'on fasse ou qu'on dit, on paye le plaisir de voir la comédie. Et vous vous gendarmez quand un homme de bien vient chez vous à ses frais, vous la donnez pour rien. Morbleu, le diable soit d'une philosophie qui semble s'attacher à compliquer la vie et qu'un fâcheux instinct pousse à vouloir tirer de tout sujet de rire un prétexte à pleurer. Bah, vous avez raison. Ma rudesse farouche rend hommage au bon sens qui rit sur votre bouche. Et... mais quel importun nous trouble de ces cris ? Il va à la porte qu'il ouvre. On voit alors Monsieur Loyal en discussion avec Flipote qui veut l'empêcher d'entrer. Monsieur Loyal ? Huissier, près la cour de Paris, séant au susdit lieu, place sainte opportune, plaise au ciel vous tenir en sa faveur commune. Je vous baise les mains, monsieur, pour sans raison, et vous, monsieur, les pieds, de tout cœur. Il tire de sa poche et déploie une immense feuille de papier. Nous disons... j'ai Jean-Paul Gaspard Loyal à la requête, suive les noms, je passe et vais au but. Enquête, ordonnance, constat, exploit, verbalisé, indemnité payée au clerc mobilisé, fin de non-recevoir du défendeur, dont acte donné sur beau papier, d'écriture compacte, paraffé de la main des témoins y présents, frais de vacation de messieurs les exempts, Jean Courtois, comme on sait, et plein de savoir-vivre, en tout 60 écus. Mmh. C'est peu. Plus une livre et 12 sous pour frais de bureau. Nous disions... Ah, pardon, m'y voici. Un rapport, conclusion, signification d'urgence à l'adversaire, pot de vin au greffier, au juge, au commissaire, au procureur du roi, pour boire au portier, coup 20 pistoles tout rond. Mmh. Ce qui n'est pas beaucoup. Ah, j'oubliais, un rien d'ailleurs, une bêtise. 4 simples écus, double, pour expertise, dressée en bonne forme, à toute fin d'emploi, dans les termes requis et voulus par la loi. À l'avocat parlant en séance publique, 100 francs pour plaidoyer, 100 autres pour réplique, et 100 sous pour avoir insulté des témoins qui, s'ils restèrent quoi, n'en pensèrent pas moins. Au juge, après arrêt et sentence propice, avec grand respect, 40 écus d'épices, une obole autant dire. Oui, le jugement, l'avoir levé... Pardon. S'il livre... Un moment. Le goût qu'au jeu d'esprit on me vit toujours prendre se double du plaisir que j'éprouve à comprendre. Qu'est-ceci, s'il vous plaît? Qu'entendez-vous par là? Qu'est-ceci? Quoi ceci? Ceci! Ceci? Cela! Vous parlez une langue à ce point bredouillée? C'est la note, monsieur, exacte et détaillée. Le pour acquis des frais de moi-même signé. Quels frais? Ceux du procès que vous avez gagné. Philinte, vous savez si ma mansuétude pour l'immolation montre peu d'aptitude. Il n'en est pas moins vrai que juge impartial. Je vais assassiner le bon monsieur Loyal. Qu'entends-je? Ah, c'est la note. Et là, sur les épaules, je lui vais galamment rompre deux ou trois gaules. Ah, c'est le pour acquis. Les frais y sont comptés à 20% en plus des tarifs adoptés. Au moins. Fripon, pandard. L'existence est si dure, il faut être indulgent aux gens de procédure. Ne m'ouvrez pas, hélas, la porte du tombeau. Je suis encore jeune et je suis resté beau. Dites-lui donc, monsieur, de m'être pitoyable. Je ne veux pas mourir, c'est trop désagréable. Je ne suis qu'un pauvre homme aux ordres de la loi. Et j'ai 14 enfants, dont plusieurs sont de moi. Un gueux m'attaque au détour de la route. Je saisis du grief la cour qui me déboute. Je paye, bien. C'est dans l'ordre. Aujourd'hui, il advient que mon drôle a la cour contre lui. La loi rend un arrêt que la justice approuve. Le fait est à noter. Je gagne et je me trouve. Phénomène admirable autant qu'inattendu. Plus perdre ayant gagné que si j'avais perdu. Mon Dieu! Mon Dieu, je sais ce que vous m'allez dire. Plus le cas est comique et plus il faut en rire. Sans doute! Eh bien, je ris! Ha! Quant à m'exécuter... C'est, ne vous en déplaise, un point à discuter. Et je vous supplierai d'avoir pour agréable qu'avec monsieur, chez lui, j'en cause au préalable. En route! Mais monsieur... Vos comptes ont besoin d'être vérifiés et revus avec soin. En route! Il y entre soi de la cérémonie. Et c'est l'hymen qui vient vous fera accompagner. Allons! Dieu qui veillez sur les pâles humains, je remets en tremblant mes os entre vos mains. Monsieur Loyal sort à la suite d'Alceste. Célimène et Philinte restent seuls. Soudain, Philinte va coller son oreille à la porte. Il écoute, va à la fenêtre qu'il ouvre, se penche, regarde au dehors, puis revenu à Célimène qui l'a regardé faire sans rien dire. Et maintenant, madame, à nous deux. Oh, Philinte, ne renouvelez point votre éternelle plainte. J'en ai l'oreille là, ça ne vous rien farder. Je suis plus d'humeur à m'en accommoder. Vous souffrirez pourtant. Silence. Mais. Silence. Parbleu, c'est trop d'audace et c'est trop d'insolence. Le ton où tu le prends, que l'arrogance remplit. Ne me tutoyez pas. Ne croyez-vous au lit. Madame, on se doit rendre au rendez-vous qu'on donne. La paix. Je vous l'impose. Et moi, je vous l'ordonne. Oh! Quel besoin, bon Dieu, de jeter les hauts cris. Un galant comme vous égale trois maris. La peste vous étouffe, vous et vos pareils. Mais parlez donc moins fort. Les murs ont des oreilles. Si j'eus pour mon malheur le tort de vous aimer, il n'est pas à propos de les en informer. Aussi bien avec vous, je veux être sincère. Une explication qui devient nécessaire me contraint à vous dire en bonne vérité que vous marchez tout droit vers l'importunité. Oh. Votre ombrageux amour, trop prompt à la querelle, change de plus en plus, clitandre en sganarelle, Philinte. Sur ce point qu'il daigne ouvrir les yeux, le mien n'y risque rien que de s'emporter mieux. Tenez-vous-le pour dire. Alceste. Dans cette affaire, je conçois assez mal ce qu'Alceste vient faire. Je vous trouve plaisant, mon cher, quand vous venez me bailler froidement de ce nom par le nez. Osez donc, s'il vous plaît, me regarder sans rire et m'épargner des mots inutiles à dire. Le pauvre homme. Plaît-il? Vous avez dit? Comment? Le pauvre homme? Ouais! Le mot part d'un bon sentiment. Un pauvre homme, sans doute, il faut rendre les armes, et ce pauvre, pauvre homme, attendri jusqu'aux larmes. Tout en plus, j'oserais vous demander pourquoi vous prenez en parlant l'air de parler pour moi. Alceste de vos soins eut sa part, ce me semble, et nous l'avons un peu sacré, pauvre homme, ensemble. Modérez donc l'ardeur d'un si noble courroux. Est-ce que par hasard j'ai commencé sans vous? Et quelle rage aussi de me prendre pour cible. Qu'ai-je donc fait, mon Dieu, de si répréhensible? Pourquoi ces airs de dogue et ce ton irrité? Je ne vous comprends pas, Philinte, en vérité. On croirait qu'avec vous, en couchant côte à côte, j'aurais fait quelque mal et commis quelque faute. Pourtant, vos torts... Quel tort? S'aveugler à tel point, c'est les avoir deux fois que ne les sentir point. Que le cœur de la femme est fait d'étranges sortes et que l'homme sur elle en loyauté l'emporte. Quoi donc? Il faut qu'ici je me voie obligé de prendre cause et effet pour l'épouse outragée. C'est à moi. Triste effet de l'humaine faiblesse. J'en conviens sans détour, mais non pas sans noblesse. Qu'il faut qu'Alceste... Et autant où, me faisant sa cour, Alceste à mes genoux rugissait son amour, ce troubadour, transi, doublé de belle lueur, eut parfois l'art et l'heure de ne me pas déplaire. Outre qu'à franc parler, la peur qu'il m'inspirait n'était pas à mes yeux sans charme et sans attrait. À sentir sous mon pied cette bête matée se débattre à la fois, soumise et révoltée, et son regard chargé de haine et de poison, du matin jusqu'au soir, m'insulter sans raison, vainquant avec péril et dès lors avec gloire, je goûtais à son prix l'orgueil de la victoire, d'accord. Mais aujourd'hui, qu'il montre humanisé les talents d'agrément d'un ours apprivoisé, apte à la contredanse et souple à la voltige, ce qu'il acquiert en grâce, il le perd en prestige. Tel vainqueur de tournoi cesse de me toucher, qui, déposant l'armure avant de se coucher, désormais sans haubert, sans casque et sans cuirasse, n'est plus qu'un crustacé veuf de sa carapace. Dans l'emploi des acastes et des princes charmants, notre homme à m'émouvoir tâche inutilement. Il y marque une ardeur à nulle autre seconde, mais n'étant plus quelqu'un, il devient tout le monde. Et tournant au fâcheux d'irritant qu'il était, il ne garde plus rien du peu qui lui restait. Alceste, converti, n'a plus de raison d'être. Le mari n'est jamais... qu'un laquais ou qu'un maître. La femme a sur ce point des raisons qui font loi. Le ciel qui l'ait voulu en sait seul le pourquoi. Cependant, depuis un instant, Alceste est rentré sans que Célimène et Philinte s'en soient aperçus. Il demeure immobile au fond du théâtre. Tout en ne voyant pas, lorsque je m'examine, que la malignité soit le but où j'incline, et bien que mon humeur se complaise fort peu à jeter, comme on dit, de l'huile sur le feu, il me faut confesser de façon simple et nette que vous avez raison des pieds jusqu'à la tête. Oui, mon cœur de droiture et de justice épris se rend à des griefs dont il sent tout le prix, madame, et de regret mon âme tourmentée gémit de vous avoir un moment disputé. L'amour est quelquefois prompt à l'emportement, mais on sait ce que c'est qu'un courroux d'un amant. Et... Philinte, il suffit. Ces paroles sensées font l'honneur de celui qui les a prononcées. En gage de réconciliation, elle lui présente sa main que Philinte couvre de baisers. Vous comprenez enfin. Je vous comprends si bien que votre sentiment concorde avec le mien. Je me serais gardé d'en rien mettre en lumière, mais puisqu'il vous a plu de parler la première, je ne vous cache pas qu'Alceste, à mon avis, est vraiment ridicule, autant qu'il est permis. Il est toujours un peu la sottise en partage. Oui, mais sans croyant moins, il en a davantage. Et d'autant plus que ces airs d'amitié les gens, pour ceux qui n'ont rien fait, sont fort désobligeants. Je me disais aussi, ce donneur d'eau bénite a quelque chose en soi qui me blesse et m'irrite. L'ennuyeux animal. Le triste compagnon. Je l'aimais mieux bourru. Je l'aimais mieux grognon. Je goûte à le tromper. Des douceurs, non pareil. Ma conscience en paix dort sur ses deux oreilles. Il n'a de vous à moi que ce qu'il a cherché. On est toujours puni par où l'on a péché. Cœur généreux et pur. Âme sincère et tendre. Que nous sommes bien faits, amis, pour nous comprendre. Pour être l'un à l'autre et dans tout de moitié. Mon seul amour et ma seule amitié. Certes, en m'engageant sur la nouvelle route où m'obligea mon cœur hanté d'un dernier doute, je ne savais que trop où me porter mes pas et le fossé promis au chemin de Damas. Mais je n'aurais pas cru, quand j'ai risqué l'épreuve, que les pleurs de mes yeux me fourniraient ma preuve et que le crime au seuil de ma propre maison me viendrait démontrer combien j'avais raison. Tout est bien, puisque je puis en somme, ayant fait jusqu'au bout mon devoir d'honnête homme, n'ayant rien obtenu, mais ayant tout tenté, de mon stérile effort invoquer la fierté. Là de l'humain commerce et de sa turpitude, dont j'avais le soupçon, dont j'ai la certitude, dépouillé du bonheur qui fut un temps le mien, maître de l'affreux droit de n'espérer plus rien, il m'est permis d'aller, qu'on m'y vienne poursuivre, traîner au fond d'un bois la tristesse de vivre, et tâchant à savoir dans leur rivalité qui, de l'homme ou du loup, l'emporte en cruauté. Vous venez d'entendre La conversion d'Alceste de Georges Courteline, avec le concours de messieurs Aimé Clarion, Jacques Servière, Jean Piat, Teddy Bilis et mademoiselle Molly Dalmès. Veuillez écouter pour terminer La voix humaine de monsieur Jean Cocteau, interprétée par sa créatrice, madame Berthe Bovy. La scène, réduite, entourée du cadre rouge de draperies peintes, représente l'angle inégal d'une chambre de femme. Chambre sombre, bleuâtre, avec à gauche un lit en désordre, et à droite une porte entrouverte sur une salle de bain blanche très éclairée. Au centre, sur la cloison, l'agrandissement photographique de quelques chefs-d'œuvre penchés, ou bien un portrait de famille, bref, une image d'aspect maléficieux. Sur le devant de la scène, une chaise basse et une petite table. Téléphone, livre, lampe envoyant une lumière cruelle. Le rideau découvre une chambre de meurtre. Devant le lit, par terre, une femme en longue chemise est étendue comme assassinée. Silence. La femme se redresse, change de pose et reste encore immobile. Enfin, elle se décide, se lève, prend un manteau sur le lit, se dirige vers la porte après une halte en face du téléphone. Lorsqu'elle touche la porte, la sonnerie se fait entendre. Elle lâche le manteau et s'élance. Le manteau la gêne, elle l'écarte d'un coup de pied, elle décroche l'appareil. Allô? Allô, allô? Mais non, madame, nous sommes plusieurs sur la ligne, raccrochez. Vous êtes avec une abonnée. Mais madame, ce n'est pas ma faute, raccrochez vous-même. Allô, mademoiselle? Mais laissez-nous, madame. Mais non, ce n'est pas le docteur Schmitt. 08, pas 07. Oh, c'est ridicule. Mais on me demande. Je ne sais pas. Allô? Mais madame, que voulez-vous que j'y fasse? Mais vous êtes très désagréable. Comment, ma faute? Mais pas du tout, pas du tout. Allô? Allô, mademoiselle? Mademoiselle, on me sonne et je ne peux pas parler. Il y a du monde sur la ligne. Dites à cette dame de se retirer. Allô, c'est toi? C'est toi? Oui, j'entends très mal. Ah, tu es très loin, très loin. Oh, oh, c'est affreux, il y a plusieurs personnes sur la ligne. Redemande. Allô, redemande. Je dis redemande-moi. Mais madame, retirez-vous, je vous répète que je ne suis pas le docteur Schmitt. Ah, enfin c'est toi. Oui. Très bien. Oui, c'était un vrai supplice de t'entendre à travers tout ce monde. Oui? Non. Ah, c'est une chance. Je rentre il y a 10 minutes. Tu n'es pas encore appelé. J'ai dîné dehors. Chez Marthe. Il doit être 11h15, tu es chez toi. Alors, regarde la pendule du refuge. C'est bien ce que je pensais. Oui. Oui, mon chéri. Hier soir, je me suis couchée tout de suite. Comme je ne pouvais pas m'endormir, j'ai pris un comprimé. Non, non, un seul. Ce matin, à 9h, oh, j'avais un peu mal à la tête, mais je me suis secouée. Marthe est venue. Elle a déjeuné avec moi. J'ai fait des cours, je suis rentrée à la maison, j'ai mis toutes les lettres dans le sac jaune. Quoi? Très fort. Je jure, j'ai beaucoup, beaucoup de courage. Après, je me suis habillée, Marthe est venue me prendre, et voilà, je rentre de chez elle. La robe rose, avec la fourrure. Mon chapeau noir. Oui, j'ai encore mon chapeau sur la tête. Et toi, tu rentres? Tu es restée à la maison? Quel procès? Ah, oui, oui. Faut pas te fatiguer. Allô? Allô? Allô, ne coupez pas. Allô, chérie. Chérie, si on coupe, redemande-moi tout de suite. Non, non, je suis là. Le sac. Tes lettres et les miennes. Tu peux le faire prendre quand tu veux. Un peu dur. Je comprends. Oh, mon chéri. Ne t'excuse pas, c'est très naturel. C'est moi qui suis stupide. Tu es gentil. Tu es gentil. Moi non plus, je ne me croyais pas si forte. Faut pas m'admirer, tu sais, je bouge un peu comme une somnambule. Je m'habille, je sors, je rentre, machinalement. Je serai peut-être moins brave demain. Toi ? Mais non, mon chéri, je n'ai pas l'ombre d'un reproche à te faire. Comment ? Mais très naturel. Oh, au contraire. Il a toujours été convenu que nous agirions avec franchise. J'aurais trouvé criminel que tu me laisses sans rien savoir. Jusqu'à la dernière minute, le cours a été trop brutal, tandis que là, j'ai eu le temps de m'habituer, de comprendre. Quelle comédie ! Allô ? Allô qui ? Que je te joue la comédie, moi ? Oh, tu me connais, je suis incapable de prendre sur moi. Pas du tout. Pas du tout. Très calme. Oh, tu l'entendrais. Je dis, tu l'entendrais. Ce n'est pas la voix d'une personne qui cache quelque chose. Non. Non. Non, j'ai décidé d'avoir du courage et j'en aurai. Tu te trompes. Allô, tu te trompes. Ah, j'ai ce que je mérite. J'ai voulu être folle, avoir un bonheur fou. Chérie, écoute, chérie, laisse-moi parler. Ne t'accuse pas, tout est ma faute. Si, souviens-toi du dimanche de Versailles et du pneumatique. Alors, c'est moi qui ai voulu venir, c'est moi qui t'ai fermé la bouche, c'est moi qui t'ai dit que tout m'était égal. Non, là tu es injuste, j'ai téléphoné la première. Non, à mardi. Ah, j'en suis sûre, à mardi 27, ta dépêche était arrivée le lundi soir, le 26, tu penses bien que je connais cette date par cœur. Ta mère ? Pourquoi ? Oh, non. Ce n'est vraiment pas la peine. Je ne sais pas encore. Oh, non. Sûrement pas tout de suite. Et toi ? Demain. Oh ! Je ne savais pas que c'était si rapide. Alors, attends. C'est très simple. Demain matin, le sac sera chez le concierge. Joseph n'aura qu'à passer le prendre. Le chien, il est là. Il est comme une âme en peine. Hier, il passait son temps entre le vestibule et la chambre. Il me regardait, dressait les oreilles, il écoutait. Il cherchait partout. Il avait l'air de me reprocher de rester assise, de ne pas chercher avec lui. Bon, je trouve que le mieux serait que tu le prennes. Il m'oublierait vite. Oui, enfin, nous verrons. Oh, c'est pas bien compliqué, tu n'aurais qu'à dire que c'est le chien d'un ami. Il aime beaucoup Joseph viendrait le prendre. Mais je lui mettrai le collier rouge. Il n'a pas de plaque. Oui. Oui, mon chéri. Mais oui, mon chéri. Quels gants ? Tes gants fourrés ? Les gants que tu avais pour conduire la voiture ? Ah, ça, je ne sais pas, je n'ai rien vu. C'est possible, je vais voir. Tu attends, ne te laisse pas couper. Allô, non. Non, j'ai cherché sur la commode, sur le fauteuil, dans l'antichambre, partout, ils n'y sont pas. Bah, fais, écoute, je vais voir encore. Mais enfin, je suis certaine. Mais si par hasard on les retrouve demain matin, je les mettrai en bas, avec le sac. Allô, et comme ça ? Pourtant, je parle très fort. Et là, tu m'entends ? Je dis, et là, tu m'entends ? Oh, c'est drôle. C'est drôle parce que moi, je t'entends comme si tu étais dans la chambre. Allô ? Allô ? Allô, bon, maintenant, c'est moi qui ne t'entends plus. Si, mais très loin, très loin. Toi, tu m'entends ? C'est chacun son tour. Alors, non, raccroche pas. Allô, je parle. Mademoiselle, je parle. Oui, je t'entends très bien. Oh oui, c'était désagréable. On croit être mort, on entend et on ne peut pas se faire entendre. Non, très bien, j'entends même mieux que tout à l'heure. Mais ton appareil résonne. On dirait que ce n'est pas ton appareil. C'est vrai. Tu es en robe de chambre. Tu te couches. ne faut pas travailler trop tard. Il faut te coucher. Si tu te lèves tôt demain matin, je te vois, tu sais. Quel foulard, le rouge. Ah, penché à gauche, tu as tes manches retroussées. Ta main gauche, le récepteur. Ta main droite, ton stylographe. Tu dessines partout sur le buvard des profils, des cœurs, des étoiles. Tu ris. Tu as des yeux à la place des oreilles. Oh non! Non, mon chéri, surtout ne me regarde pas. Peur? Non. Non, je n'aurai pas peur. C'est pire. Enfin, je n'ai plus l'habitude de dormir seule. Oui. Oui. Oui. Je te promets. Je te promets. Je te promets. Tu es gentil. Oh! Je ne sais pas. J'évite de me regarder. Je n'ose plus allumer dans le cabinet de toilette. Hier, je me suis trouvée nez à nez avec une vieille dame. Non, non, une vieille dame maigre avec des cheveux blancs et une foule de petites rides. Tu es bien beau. Mais, mon chéri, une figure admirable. C'est pire que tout. Pour les artistes. J'aimais mieux quand tu me disais, regardez-moi cette vilaine petite gueule. Oui, monsieur. Heureusement. Heureusement que tu es maladroit et que tu m'aimes. Si tu ne m'aimais pas, si tu étais adroit, le téléphone deviendrait une arme effrayante, une arme qui ne laisse pas de traces. Qui ne fait pas de bruit. Moi, méchante. Oh. Allô? Allô? Allô, chérie, où es-tu? Allô? Allô, allô? Allô, mademoiselle, on coupe? Allô? Allô, allô? Allô, mademoiselle? Allô? Allô, c'est toi? Mais non, mademoiselle, on a coupé. Ah, je ne sais pas, c'est-à-dire... Si, si, attendez, attendez. Auteuil 04,7. Oui. Pas libre? Oui, oui. Allô, mademoiselle? Il me redemande. Ah, bien, bien. Allô, allô. Auteuil 04,7? Mais non, pas 6,7. Allô, allô, mademoiselle. Mademoiselle, on se trompe. On me donne le 6, je demande le 7. 04,7. Auteuil? Allô? Auteuil 04,7? Ah oui, c'est vous, Joseph. C'est madame. On nous a coupé avec monsieur. Pas là? Oui. Oui. Il ne rentre pas ce soir. Ah, c'est vrai, je suis stupide, monsieur. Téléphonez d'un restaurant, on a coupé machinalement. Je leur demande son numéro. Excusez-moi, Joseph. Merci. Merci bien. Bonsoir, Joseph. Allô? Allô, chérie, c'est toi? Vous n'avez coupé? Non, non, j'attendais, on sonnait, je décrochais. Il n'y avait personne. Sans doute. Bien sûr. Tu as sommeil. Tu es bon d'avoir téléphoné. Très bon. Non, non, je suis là. Quoi? Mais rien. Mais je te jure, je n'ai rien. Le même que tout à l'heure. Seulement, tu comprends, on parle, on parle. On ne pense pas qu'il faudra se taire, raccrocher, retomber dans le vide, dans le noir. Alors, Écoute, mon amour, je ne t'ai jamais menti. Oui, oui, je sais, je te crois, j'en suis convaincue. C'est pas ça, c'est parce que je viens de te mentir. Moi, mais là, tout de suite au téléphone, depuis un quart d'heure, je mens. Oh, rien de grave, mon chéri, ne t'effraie pas. Seulement, je mentais en te décrivant ma robe, en te disant que j'avais dîné chez Marthe. Je n'ai pas dîné. Je n'ai pas ma robe rose, j'ai un peignoir sur ma chemise, parce qu'à force d'attendre ton téléphone, à force de regarder l'appareil, de m'asseoir, de me lever, de marcher de long en large, je devenais folle, folle. Alors, j'allais mettre un manteau, sortir, prendre un taxi et me faire mener devant tes fenêtres pour attendre. Attendre. Je sais quoi. Tu as raison. Si, je t'écoute. Je serai sage. Je répondrai à tout, je te jure. Ici. Bon, je n'ai rien mangé. Je ne pouvais pas. J'étais très malade. Hier soir, j'ai voulu prendre un comprimé pour dormir. Je me suis dit que si j'en prenais plus, je dormirais mieux. Si je les prenais tous, je dormirais sans rêve, sans réveil, je serais morte. J'en ai avalé 12. Dans de l'eau chaude. Comme une masse. Et j'ai eu un rêve. J'ai rêvé ce qui est. Je me suis réveillée en sursaut, toute contente parce que c'était un rêve. Et quand j'ai su que c'était vrai, que j'étais seule, que je n'avais pas la tête sur ton cou et sur ton épaule et mes jambes entre tes jambes, j'ai senti que je ne pouvais pas vivre. Légère et froide. Je ne sentais plus mon cœur battre. Et la mort était longue à venir. Comme j'avais une angoisse épouvantable, au bout d'une heure, j'ai téléphoné à Marthe. Je n'avais pas le courage de mourir seule. Chérie. Il était 4 heures du matin, elle est arrivée avec le docteur qui habite son immeuble. J'avais plus de 40. Il paraît que c'est très difficile de s'empoisonner et qu'on se trompe toujours de dose. Le docteur a fait une ordonnance, Marthe est restée près de moi jusqu'à ce soir. Je l'ai supplié de partir parce que tu avais dit que tu téléphonerais une dernière fois. J'avais peur qu'on m'empêche de parler. L'autre, très bien. Plus du tout. Oh, monsieur, c'est vrai. Un peu de fièvre. 38,3. Oui, c'était nerveux. Ne t'inquiète pas. Oh, c'est bête, ça, c'est bête. Si, mon chéri, mon pauvre chéri à qui j'ai fait du mal. Oui, parle. Dis n'importe quoi. Je souffrais à me rouler par terre. Suffit que tu parles pour que je me sente mieux. Que je ferme les yeux. Tu sais, quelquefois, quand nous étions couchés, que j'avais ma tête à sa petite place, avec mon oreille contre ta poitrine et que tu parlais, j'entendais ta voix exactement la même que ce soir dans l'appareil. Allô? Allô, j'entends de la musique. J'entends de la musique. Ben, tu devrais cogner au mur et empêcher ses voisins de jouer du gramophone à des heures pareilles. C'est inutile, le docteur de Marthe reviendra demain. Mais non, mon chéri, c'est un très bon docteur, il n'y a aucune raison pour que je le blesse en faisant venir un autre. Ne t'inquiète pas. Mais oui, elle te donnera des nouvelles. Je comprends. Du reste, cette fois-ci, je suis brave. Très brave. Quoi? Oh, mille fois mieux, si tu n'avais pas appelé, je serais morte. Non, attends. Trouvons un moyen. Je te demande pardon, mon chéri, je sais que cette scène est intolérable, que tu as bien de la patience. Et comprends-moi, je souffre. Ce fil, c'est le dernier qui me rattache encore à nous. Avant-hier, j'ai dormi, oui. Je m'étais couchée avec le téléphone sur l'oreiller. Non, dans mon lit. Oui, je sais, je suis très ridicule, mais j'avais le téléphone dans mon lit parce que, malgré tout, on est reliés par le téléphone. Il va chez toi. Et puis j'avais cette promesse de ton coup de téléphone. Mais parce que tu me parles, voilà 5 ans que je vis de toi, que tu es mon soleil respirant. Maintenant j'ai de l'air parce que tu me parles. T'as entendu, mon amour, j'ai dormi parce que c'était la première fois. Le docteur l'a dit, c'est une intoxication. Le premier soir, on dort et puis la souffrance distrait, elle est toute neuve, on la supporte. Ce qu'on ne supporte pas, c'est la seconde nuit, hier, la troisième, ce soir, dans quelques minutes, et demain, et après-demain, et des jours, à faire quoi? Mon Dieu. Mais je n'ai pas de fièvre, je n'ai pas la moindre fièvre. Je vois juste. Et en admettant que je dorme après le sommeil, il y a le réveil, et manger, se lever, se laver, sortir, et aller où? Mais mon pauvre chéri, je n'ai jamais rien eu d'autre à faire que toi. Marthe a sa vie organisée. Mais comment veux-tu que je sache? C'est comme si tu demandais à un poisson comment il compte arranger sa vie sans eau. Je n'ai besoin de personne. De distraction. Je vais t'avouer une chose qui n'est pas très poétique, mais qui est vraie. Depuis ce fameux dimanche soir, je n'ai été distraite qu'une seule fois. Chez le dentiste, quand il m'a touché un nerf. Seule. Voilà deux jours qu'il ne quitte pas l'antichambre. Mais j'ai voulu l'appeler, le caresser, il refuse qu'on le touche, un peu plus il mordrait. Oui, moi. Il retourne les lèvres et il grogne, c'est un autre chien, je t'assure, il me fait peur. Chez Marne, mais je te répète qu'on ne peut pas l'approcher. Marthe a eu toutes les peines du monde à sortir, il ne voulait pas lui laisser ouvrir la porte. C'est même plus prudent, je te jure, il m'effraie. Il ne mange plus, il ne bouge plus. Quand il me regarde, il me donne la chair de poule. Mais comment veux-tu que je sache? Il croit peut-être que je t'ai fait du mal. Pauvre bête, j'ai aucune raison de lui en vouloir. Je le comprends trop bien, il t'aime, il te voit plus rentrer. Il croit que c'est ma faute. Essaye d'envoyer Joseph. Mais je crois, oui, je crois qu'il suivrait Joseph. Oh, moi, un peu plus, un peu moins. Oh, il m'adorait pas du tout, hein, la preuve. Il en avait l'air, c'est possible, mais je te jure, il faudrait pas que je le touche. Si tu ne veux pas le reprendre, je le mettrai chez un garde. C'est inutile que ce chien tombe malade ou devienne méchant. Mais il ne mordra personne. S'il est chez toi, il aimera ceux que tu aimes. Oui, enfin, je voulais dire, il aimera les gens avec lesquels tu vis. Oui, mon chéri, c'est entendu, mais c'est un chien malgré son intelligence. Il ne peut pas le deviner. Mais je ne me gênais pas devant lui, alors. Dieu sait ce qu'il a vu. Enfin, je veux dire qu'il ne me reconnaît peut-être pas, je lui ai peut-être fait peur, on ne sait jamais. Ben, au contraire, ça regarde tante Jeanne. Le soir où je lui ai appris que son fils avait été tué, elle est très pâle, elle est très petite, et ben, elle est devenue toute rouge, et géante, une géante rouge. Elle cognait le plafond avec sa tête, et elle avait des mains partout, et son ombre emplissait la chambre et faisait peur. Elle faisait peur, je te dis. Mais je te demande pardon, justement, sa chienne, elle se cachait sous la commode, elle aboyait comme après une bête. Je ne sais pas, mon chéri, comment veux-tu que je sache? On n'est plus soi-même. J'ai dû faire des choses effrayantes parce que j'ai déchiré tout le paquet de mes photographies et l'enveloppe du photographe d'un seul coup, sans m'en apercevoir. Même pour un homme, ce serait un tour de force. Quoi? Eh bien, celle pour le permis. Oh non, puisque je n'ai plus besoin de permis, c'est pas une perte, va. J'étais affreuse. Jamais. J'ai eu la chance de te rencontrer en voyageant. Maintenant, si je voyageais, je pourrais avoir la malchance de te rencontrer. N'insiste pas. Laisse. Allô, madame, retirez-vous, vous êtes avec des abonnés. Mais madame, mais nous ne cherchons pas à être intéressants, vous n'avez qu'à pas rester sur la ligne. Oh! Oh, mon chéri, ne te fâche pas. Non, cette fois, c'est moi. Mais elle a raccroché tout de suite, après avoir dit cette chose ignoble. Laisse. Ne pense pas à cette stupidité, c'est fini. Que tu es naïf. Pourquoi se faire des illusions? Non, dans le temps, on se voyait, on pouvait perdre la tête, oublier ses promesses, risquer l'impossible. Convaincre ceux qu'on adorait en les embrassant, s'accrochant à eux. Un regard pouvait changer tout. Mais avec cet appareil, ce qui est fini est fini. Et où Où trouverais-je la force de combiner un mensonge, mon pauvre adoré? Aucune. Ah, j'aurais dû avoir de la force. Il y a des circonstances où le mensonge est utile. Toi, si tu mentais pour rendre la séparation moins pénible. Je ne dis pas que tu mens, je dis si tu mentais, si par exemple tu n'étais pas chez toi et que tu me dises « Mais je te crois, mon chéri, je n'ai pas voulu dire que je ne te croyais pas, pourquoi te fâches-tu ? » Ah, si, tu prends une voix méchante. Mais non, moi je te disais tout simplement que si tu me mentais par bonté d'âme et que je m'en aperçoive, je n'en aurais que plus de tendresse pour toi. Allô ? Mon Dieu, faites qu'il redemande. On avait coupé. Oui. Oui, j'étais en train de te dire que si tu me mentais, toi, par bonté d'âme, et que je m'en aperçoive, je n'en aurais que plus de tendresse pour toi. Bien sûr. Tu es fou, mon amour. Mon cher amour. Oh, je sais bien qu'il le faut, mais c'est atroce. Jamais je n'aurai le courage. Oui, on a l'illusion d'être l'un contre l'autre. Brusquement, on met des caves, des égouts, toute une ville entre soi. Tu te souviens quand je te demandais comment la voix peut passer à travers les tortillons du fil? J'ai le fil autour de mon cou. J'ai ta voix autour de mon cou. Ah, faudrait que le bureau nous coupe. Par hasard? Non. À Marseille? Oh. Écoute, chérie. Puisque vous serez à Marseille après-demain soir, je voudrais, moi enfin j'aimerais que tu ne descendes pas à l'hôtel où nous descendons d'habitude. Ou parce que les choses que je n'imagine pas n'existent pas, ou bien elles existent dans une espèce de lieu très vague qui fait moins mal. Tu comprends? Merci, tu es bon. Je t'aime. Alors voilà. Voilà. J'allais dire machinalement. À tout de suite. Oh, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Mon chéri. Mon beau chéri. Dépêche-toi, coupe. Coupe vite, coupe. Je t'aime. Vous venez d'entendre La voix humaine, un acte de M. Jean Cocteau, interprété par Mme Berthe Bovy. Ainsi s'achève notre émission, au cours de laquelle la radiodiffusion française et la Société des comédiens français vous ont présenté La conversion d'Alceste de Georges Courteline, interprété par MM. Aimé Clarion, Jacques Servière, Jean Piat, Teddy Bilis et Mlle Monie Dalmès, et La voix humaine, interprété par Mme Berthe Bovy, sous la direction artistique de Jacques Régnier.